sans motif, sans motif. J'ai des souvenirs et j'ai envie de les arracher des bancs. Un statut d'être humain, mais on compare les Arabes et les Blancs. On donne des places aux guerres comme celui d'une garçade. On n'a plus la valeur des choses, on pense que les pauvres sont en guerre. Ça fait pas de faire un dessin, on pense plus vite ce qu'on pense la nuit. Car la mise ça reste des rêves et qu'on n'a plus trop le temps pour ça. Sinon dis-moi, dans tes projets t'en es où? J'avouerai que je traîne la pipe et content de mettre des barres dans les roues. Va pas croquer la pomme, tu casseras plus que ton dentier. Crois pas que le rap est des normes, alors j'emmerde le monde entier. J'envie personne, car chaque homme est une. Je suis fier de mes origines, n'en fais pas des tonnes dans le port des tuniques. Si les femmes veulent la lune, c'est pourtant les potes qui s'éclipsent. Si les grands ça s'agit, c'est pourtant les gosses qui s'équipent. Un monde de fous, les hommes portent des parisis. On a les mains pleines de sang quand on vend des armes au Brésil. On me dit d'armer de patience, mais j'en ai pas trouvé chez l'armurier. On est sérieux, je m'en bats des blagues utiles. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. J'aimerais pas être attiré par le mal, qu'il faille plus prouver devant les mannes et qu'on joue plus les phénomènes. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. Moi d'accord pour les déceptions, c'est ça quand la vie t'a mis. Sans motif, un bal priming, toujours dans le timing. On connaît rien de notre avenir, dégoûté par l'école. On se construit dans des formations où certains shootent à la cétole. Les darons nous appellent gamins car pour eux on n'a pas grandi. Toujours expert dans la connerie, bien qu'on boufferait toute la cantine. Vivement qu'on se tire, vivement qu'on se tire. C'est ce qu'on dit, conversation à scandale, les nerfs allument un incendie. En 2008 le luxe, c'est se faire un plein d'essence. Boycott et résistance, une nation à descendre. On parle des chiffres et des lettres, P38, RS4 Z1000, je rêve mais je vais au taf, faut pas vivre la vermine. Vermine, c'est comme ça qu'ils nous qualifient. Même quand t'essayes de bien te faire voir, qu'est-ce que tu veux, j'aime pas les flics. Je veux des baisers tasses, quitte à avoir l'esprit maléfique. Je m'abstiens de chérir des tasses, j'en porterai pas au paradis. On me dit de servir de patience, mais j'en ai pas trouvé chez l'armurier. On est sérieux, je m'en bats des blagues arruquées. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. J'aimerais pas être attiré par le mal, qu'il faille plus prouver devant les mannes et qu'on ne joue plus les phénomènes. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. J'aurai bientôt 26 ans, toujours un vide dans l'existence. Moi quand je tape le parcours, bah c'est toujours en hésitant. De l'Elysée, Sarkozy nous prend pour des billets verts. J'ai des doutes, Dieu s'associe qu'on puisse pas s'habiller l'hiver. Turquie ferme, j'n'ai pas de gun, j'n'ai que mon pic et mon mic. Je ne sors pas du ghetto, mais j'ai du son sous les smells de mes Nike. Ok, j'suis qu'un bateau, mais tu sais pourtant, mais son tour. Dites à ma soeur que la chance faut la tenter à son tour. C'est pas parce que tu vois qui j'suis que réellement tu me connais. C'est pas parce qu'on t'a pété que réellement on t'a aimé. Ça parle sur moi, c'est ma promo. Tant mieux des ragoteries, j'm'en prends les couilles comme de la politique et de leur démagogie. De toute façon, on continuera à se baiser, on s'écoute pas les uns les autres. L'intolérance est reine, peu importe ta zone. Juste ce qui compte, c'est plus que le soleil et que la famille soit stable. Que les vrais potes réussissent, que j'ai de la thune et que j'm'arrache. On me dit de servir de patience, mais j'en ai pas trouvé chez l'armurier. On est sérieux, j'm'en bats des blagues arruquées. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. J'aimerais pas être attiré par le mal, qu'il faille plus prouver devant les mannes et qu'on ne joue plus les phénomènes. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. On me dit de servir de patience, mais j'en ai pas trouvé chez l'armurier. On est sérieux, j'm'en bats des blagues arruquées. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard. J'aimerais pas être attiré par le mal, qu'il faille plus prouver devant les mannes et qu'on ne joue plus les phénomènes. J'aimerais me repentir afin de dire merde au collage. J'ai des regrets dans la vie comme d'avoir trop fait le connard.